Bonjour à tous, moi c'est CV. Je vais vous présenter le jeu de rôle alternatif comme une construction en creux par rapport au jeu de rôle traditionnel. Pour cela, je vais faire un détour par une autre forme de tradition que je connais mieux et qui parlera au plus grand nombre, j'espère. C'est le traditionnel en musique. En effet, la musique traditionnelle s'inscrit dans un cadre qui est généralement construit autour d'aires géographiques, d'instrumentariums, de techniques vocales et instrumentales, de gammes, de tempéraments. Bref, ce qui va nous intéresser, c'est un premier facteur clé du trad, qui est la transmission, qui passe par un apprentissage formel, à l'écrit ou à l'oral, et à ma connaissance toujours par une forme mimétique de reproduction de la pratique d'une personne reconnue comme maîtrisant la forme traditionnelle. Le second facteur clé, c'est le perfectionnement. C'est par la reproduction à de nombreuses reprises que l'apprenant va pouvoir s'imprégner de la forme traditionnelle et arriver à la maîtriser dans toutes ses subtilités. Une fois le canon maîtrisé et une reconnaissance par les pairs, l'artiste peut le réinterpréter en y injectant de son expérience propre et produire des variations autour de cette tradition et la faire de façon subtile évoluer dans le temps. Notez que la pratique est vivante, elle est jouée, elle évolue. Elle n'est pas fixe et passéiste. Si ces points sont globalement positifs, il y a pour autant des inconvénients à la forme traditionnelle. D'abord, il y a la création d'une forme de norme qui est un cadre rigide, que ce soit l'instrumentarium, les formes de danse, qui limite les possibilités d'expression de l'artiste. Si ces frontières sont mouvantes, elles bougent très lentement, et les évolutions se passent à la vitesse des générations d'artistes après reconnaissance par les pairs. Ensuite, le perfectionnement dans un cadre limité font que sortir de ce cadre est coûteux pour l'artiste, car cela nécessitera un réapprentissage qui ne reposera pas sur la pratique accumulée, voire pire, nécessitera un désapprentissage pour pouvoir s'adapter à d'autres formes musicales. C'est une perte de technicité qui est souvent très dure à passer pour l'artiste. Voilà pour cette introduction, revenons maintenant sur le jeu de rôle traditionnel. Je trouve ce terme de traditionnel bien choisi pour le jeu de rôle. Par contre, je l'utiliserai au pluriel et non au singulier comme c'est généralement fait. Ainsi, le jeu de rôle des formes traditionnelles serait celui qui s'appuie sur cette transmission venant d'une personne qui a déjà fait une étape de perfectionnement dans cette forme de jeu de rôle. Dans une forme traditionnelle, les nouveaux joueurs sont souvent introduits par la participation dans un groupe qui existe déjà. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont commencé uniquement avec le support écrit dans les années 80 relatent souvent des parties qui n'étaient pas satisfaisantes car ils n'ont pas bénéficié de ce support de l'apprentissage mimétique. Sans cette forme d'apprentissage mimétique, on est obligé de passer par une forme d'apprentissage par essai-erreur qui est souvent bien plus frustrante pour la personne qui apprend de cette façon-là. De plus, parler d'une forme unique de jeu de rôle traditionnel, c'est comme parler de musique traditionnelle celtique. Oui, les musiques celtiques ont des points communs, mais leur origine commune a subi trop de différenciations entre les différents courants qu'elle a engendrés pour avoir une forme d'unicité globale. Par exemple, les techniques d'optimisation d'un joueur de Pathfinder n'ont pas de sens pour jouer à Cthulhu. À l'échelle d'en dessous, donc, on retrouverait des grandes traditions, comme Pathfinder, Cthulhu, Vampire, et d'autres qui sont plus naissantes mais qui sont aussi des traditions, comme l'OSR ou les PBTA. L'équivalent en musique traditionnelle, ce serait les échelles de la Bretagne, de l'Écosse ou de la Galice. Un joueur, en changeant de table, trouvera des variations, mais il sera capable d'utiliser son savoir-faire traditionnel d'une manière ou d'une autre de façon satisfaisante. Et, de ces grands courants, on peut aller d'une manière fractale jusqu'à l'échelle de la table de jeu. Comme dans la musique traditionnelle bretonne, du Vanté au Léon, il y a des variations dans la tradition. Mais, a priori, le savoir-faire est transférable d'une forme à une autre. Plus on réalise cette forme de zoom, plus on va se rapprocher de l'échelle individuelle et trouver un rapport, je pense, avec le geste rôliste que décrit Julien Poire. Voilà, maintenant que j'ai posé ça, je vais pouvoir passer au jeu de rôle alternatif. Donc le jeu de rôle alternatif, c'est avant tout un jeu ou une façon de jouer. À l'échelle de la joueuse issue d'une tradition, c'est tout ce qui s'éloigne suffisamment de sa pratique pour que ses compétences ne soient plus adaptées. Pour reprendre mon exemple de l'optimisation, ce pourquoi un joueur de Pathfinder peut trouver tout ce qui n'est pas 3.5 alternatif. Et du coup, à une échelle plus macro, ce seront des jeux ou des pratiques qui sont suffisamment éloignés des pratiques des diverses traditions pour que les joueurs pratiquant ces traditions ne soient pas à l'aise avec cette façon de jouer. Un exemple intéressant me semble être les PBTA. Si ces jeux sont assez proches dans la forme des jeux de rôle traditionnels les plus importants, les petites variations sur les prérogatives du meneur de jeu les ont rendues très perturbantes dans un premier temps pour les MJ qui venaient des formes traditionnelles. C'est une forme alternative qui est devenue une forme traditionnelle au fur et à mesure que les joueuses y ont joué, que des forums ont partagé des techniques, des méthodes, et que des actual plays ont donné à voir ces jeux en fonctionnement. Je pense qu'il est ici important de noter que l'avènement d'Internet est très propice aux jeux de rôle alternatifs, car il lui permet d'accéder aux avantages des jeux de rôle traditionnels sans en souffrir des défauts. Cela permet, dans l'univers francophone, d'avoir des personnes comme Thomas Munier qui vont avoir une visibilité sur Internet presque aussi grande que du Donjons et Dragons par exemple, ou clairement que du Toulou ou du Vampire. Notez bien que tout cela sont des frontières floues et subjectives, car un jeu ou une pratique peut être à la fois traditionnelle et alternative, et que cela dépend en grande partie du point de vue de quel on se place pour les observer. Le jeu de rôle alternatif, a priori, ne profite pas de la transmission mimétique et du perfectionnement propre à la tradition. Encore comme on vient de le voir qu'avec Internet, cela est en train d'être bouleversé. Par contre, il a le gros avantage de ne pas souffrir du cadre limité qu'impose la tradition et permet une variété de contenus beaucoup plus importante que ne le permet les formes traditionnelles. Vous pouvez explorer des plans bien plus divers, que ce soit sur la forme, les sujets, les mécaniques, tout cela est beaucoup plus libre. Par exemple, si je veux écrire un scénario pour Pathfinder, ça va être de l'ado, car je suis incapable de maîtriser l'équilibrage du jeu, et que des spécialistes pourront me tomber dessus. Idem si je veux faire un scénario dans un univers comme Star Wars. Je n'aurai pas la légitimité pour le faire. Bien sûr, je peux le faire en mode couleuse pour les copains, mais si je veux quelque chose qui touche une plus grande échelle, eh ben ça va pas le faire. Par contre, sur les courants alternatifs, si je sors nulle part avec une théorie de jeu un peu fumeuse, il y aura bien quelqu'un pour arriver à en faire quelque chose d'intéressant. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas neutre. Mon cœur balance pour l'alternatif, et ma forme traditionnelle de jeu de rôle, ce serait au mieux les PBTA. J'ai peut-être aussi des mots un peu plus durs que ce que je voudrais contre la forme traditionnelle que j'apprécie par ailleurs sous certains aspects. Pour conclure, en tant que nouveau joueur, je pense que comme je n'ai pas le processus de désapprentissage que j'exprimais plus tôt à faire, je suis assez ouvert à tout ce qui me semble intéressant, même si ça casse les codes. Je pense aussi que pour les autres nouveaux joueurs, Internet est une chance permettant d'avoir la pratique la plus diverse possible et limite le risque, entre guillemets, de s'enfermer dans une forme traditionnelle qui serait trop rigide et qui nous priverait d'une partie des plaisirs que l'on pourrait avoir avec d'autres formes. Enfin, si je devais formaliser une autre catégorie de joueurs qui peuvent être intéressés par les jeux de rôle alternatifs, ce seraient les vieux briscards, qui sont justement enfermés depuis longtemps dans une pratique et qui l'ont suffisamment éculé pour commencer à trouver une forme de lassitude. Auquel cas, les jeux de rôle traditionnels sont une très bonne forme pour pouvoir varier sa pratique et retrouver un plaisir qui a pu être perdu au cours du temps. Enfin voilà, c'était une petite présentation de la façon dont je vois le jeu de rôle alternatif. Bien sûr, ce n'est qu'une réflexion, il y a sans doute plein d'incohérences, de choses qui mériteraient d'être reformulées ou clarifiées, mais j'espère néanmoins que mon point de vue pourra nourrir et enrichir le vôtre.